Salut Gilles. Salut Denise. Deux secondes. Tang, tang, tang, tang, tang, tang. Excuse-moi, je suis dans un restaurant à Shanghai. OK. Tang, tang, tang, tang, tang, tang. J'adore le Shanghainais en passant. Et faites à noter, Shanghai est une ville, ma foi, merveilleuse avec 3 L. Salut Dani. Bonjour. Ça va bien? Oui, donc tu es à Shanghai et je crois que tu nous parles de litchi aujourd'hui. Oui, et plus particulièrement du lichisme. Le lichisme. Oui, c'est une tradition. Écoutez, je suis encore dans l'Asie du Sud-Est. Pour les gens qui nous suivent là toutes les semaines, j'ai la tuteur designer, mais je te dirais de sentir plus fruitier ou chocolatier, si tu suis à mes deux dernières chroniques. je te dirais que mon éventail de qualité s'améliore comme, je dis souvent ça, comme le carré Saint-Lambert. C'est un carré qui grossit au four, donc je tenais à le souligner. Et aujourd'hui, oui, Dani, je te parle de litchi, du lichisme. Qu'est-ce que le lichisme? Écoute, c'est un fait à noter. C'est la première fois que je vois ça, là, je suis à Shanghai. C'est que les gens s'habillent en litchi. Les gens s'habillent en litchi. Oui, et moi qui est fan de design, au début, ça m'a fait, je vais dire comme je dis aux Shanghaiais, j'ai fait le saut. Parce que je ne sais pas si tu as déjà touché à de la pleure de litchi, mais c'est très, très, très, très rude. Hein? C'est très rude, rude, rude. C'est bizarre. C'est rude, oui, c'est très, très rude. Je trouve pas de comparatif. Par exemple, on compare avec l'exemple de pleure d'orange qui est beaucoup moins rude. Alors, je te parle du lichisme. Faites à noter, je te parle d'un restaurant où on fait du linge en lichi. Donc, les gens, ce qu'ils font, tu savais qu'en Asie, et plus particulièrement en Chine, le lichi est très populaire. C'est notre clémentine à nous, finalement, ou notre pomme. Et les gens, ce qu'ils font, c'est qu'il y avait beaucoup de gaspillage, puis tu sais qu'est-ce qui s'en vient avec la tendance 2010, parce que moi, je suis toujours une année en avant, là. Je suis tendance 2010. C'est que le design s'en va vers la récupération. Oh. On dit en anglais recuperation for the clothes. La récupération pour les vêtements. Faites analyser, je vais t'expliquer en gros ce qui se passe. Les gens viennent ici dans des thématiques de litchi à Shanghai. Les gens viennent tout simplement manger des litchi. Ils en mangent le plus possible. Et qu'est-ce qu'ils font, selon toi, quand ils mangent des litchi? Ben, ça doit sortir quelque part à un moment donné. Oui, ben, c'est sûr, vu comme ça, oui. Ils écaillent le litchi. Ah oui, ben oui, reste la petite pleure piquante. Et voilà. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils écaillent le litchi? Au lieu de le laisser dans une assiette, il y a des bacs au bout de la table. Et les gens mettent les retailles de litchi à l'intérieur du bac. Oh. Et ces bacs-là sont ramassés par des petites chaînes gangoises. Elles sont magnifiques, ces petites dames-là. Et on va dans l'arrière-boutique, et là, c'est là qu'on rentre dans la confection du litchi, ben, des vêtements en litchi, et de là l'expression « le lichisme ». Mais ça doit être piquant, non? Ouais. Non. Bonjour, Gilles. Salut, tu vas bien? Ben oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Donc, je te ramène mes vieilles bobettes que tu m'as que t'as cousues pour moi, puis tu m'en fais des toutes nouvelles en litchi? Oui, un petit peu, mais regarde... Ça va prendre une grosse coquille de litchi pour cacher mon sexe? Oui, je ne sais pas si je peux parler comme ça ici. Parce ben que oui, écoute, on parle de toi à moi à l'Asie, là. Ben, les auditeurs, ils savent très bien de quoi on parle. T'as un bon point. Je te laisse poursuivre, mon beau Gilles. Non, merci, t'as un excellent point. Est-ce qu'il t'a rappelé cette semaine, finalement, André? Non. It's very hard to try to make love long distance, hein? Oui, mais il faut dire que je suis très dur à rejoindre de ce temps-là. Non, c'est vrai. Est-ce que t'es dur comme la coquille de litchi? Un petit peu moins, parce que je vais dire une chose, je mange pas mal moins de carottes et moins de vitamine C. Mais j'ai encore du jus. Tout ça pour en venir, André, t'as amené un bon point. Oui. On fait la bobette. On fait la bobette de litchi, ils font le pantalon. Ils appellent ça ici le jeans de litchi. Est-ce que c'est possible d'avoir la coquille par à l'intérieur pour la sensation? Non, malheureusement, je sais pourquoi, c'est parce qu'on est dans le design, là. Okay. On est je suis pas dans le prêt à porter, là. Ça, c'est du volume. On fait ça pour du volume. Les gens veulent s'habiller écolo. Tout simplement, les boys. On peut en virer ça de toutes les manières que vous voulez et essayer de déraper de la chronique. Excuse-moi, on veut pas te couper. Non, je suis pas insulté. Je t'ai juste à dire que c'est vrai. Le lichisme est situé à Shanghai. Et là, ce qui va s'en venir, c'est l'orangicisme, le clémentinisme, le raisinisme, puis la péquanoïsme. Et le kiwisme, ça, c'est trop rude. Ah. Ça, c'est trop rude et la plus rétro-petite. Alors là, moi, pendant que je suis dans la... Gilles, dans les années 80, là, il y avait le kiwi. Ça avait-tu rapport avec le kiwisme, d'après toi? Non, malheureusement, ça amène un excellent point. Puis c'est justement ce que Kakumpo parlait tout à l'heure. Le kiwi, litchi très, très différent du litchi. Si les deux finissent par Y, c'est la corde. C'est pour ça que kiwi, ça s'écrit K-I-W-Y. Exactement. Comme litchi. Le kiwi, c'était juste pour avoir l'air écolo. C'était pas fait avec du vrai kiwi. Mais les gens ont pensé longtemps que le kiwi, qu'on l'appelait, était fait avec des retails de kiwi. Ah. Mais c'était pour avoir écolo. Et ça, c'est Peter Roseboom, de Texas, que lui avait fait. C'était la grosse arnaque, puis il a été poursuivi aussi, M. Roseboom. Là. Je crois d'ailleurs qu'il purge une sentence là, à perpétuité pour avoir fait de la fausse présomption. Parce que c'était pas le premier qui l'amène, mais c'était pas des vrais retails de kiwi. Tandis que le lichis, j'en reviens au lichisme, c'est des vrais repères de litchi. Et là, tu retrouves la bobette, la culotte, le chemisier. Et là, on s'en va vers le prêt à porter. Et c'est là que je vais amener mon grain de sel. Je serai un mois Gilles La Douceur designer, un des premiers designers en Asie du Sud-Est, à faire le prêt à porter masculine en litchi. Est-ce qu'il va l'avoir à la boutique, son derrière à lui? Oui, à son derrière à lui, ma boutique à moi. Ça me fait toujours un rire quand tu me dis ça parce que... Il faut dire que j'ai laissé les rênes à Pierre-Louis, hein, là-bas. Ah. C'est Pierre-Louis qui gère la boutique, mais à fond derrière à Louis, ou à lui. À Louis, à lui. Ah, c'est un jeu de mots. Jeu de mots, ah, oui. Un lapsus. On va faire du prêt-à-porter en litchi. Et j'annonce en première, ça va être Gilles La Douceur, designer. J'ai acheté le brevet pour faire du prêt-à-porter masculine en litchi. Alors, fin de la chronique, messieurs, je vais juste pour vous clore la boucle, parce que Dieu sait, j'adore clore la boucle. Le lichisme s'en vient doucement. Mesdames, messieurs, préparez vos lunettes. Ça va vous sauter d'en face. Aïe, aïe. Oui, merci, ça Gilles. Ça fait plaisir, Dani. Et j'invite les gens à aller s'informer sur, toujours sur mon site web, www.gillesladouceurdesigner.com. Je t'en promets une. Mais il y en avait et une, c'était pas « Je veux du gillesladouceur.com » Ça, c'est l'ancienne. J'ai déjà changé. T'as déjà changé. Toutes les semaines, je change de site web. Je sais pourquoi. Avec tous les pourriels que je reçois, je suis toujours infecté. Tu dois te faire... Ah, tu dois être infecté, hein? C'est rare, puis Dieu sait que je suis propre de ma personne. Hey, je voulais t'inviter. Est-ce que tu viens à la disque avec moi? Tu vas-tu être par ici? Tu vas-tu être à Montréal? Ben, écoute, je viens de te souvenir d'ailleurs, tu es en nomination pour la disque, je crois, hein? Ben oui. Dieu sait que moi, personnellement, je ne suis pas un grand fan de ta musique. J'aime autant mieux te dire d'avant. Mais parce que ça pogne pas beaucoup ici, là. C'est ton pub électrode. Non. Mais parle-en, Gilles. Bio-Bazar. Bio-Bazar. Je connais le nom. Mais écoute, l'invitation est lancée, c'est vrai. Je crois que tu m'avais invité d'ailleurs par MSN Touchmail. Laisse-moi te revenir là-dessus. Ça se peut que j'ai quelques petits enjeux, que je sois à Bécomo cette soirée-là pour une présentation de purée trotte qu'on transforme en popette à cheval. Mais je vais te revenir là-dessus. Laisse-moi tes coordonnées puis je t'appelle. Mais là, je dois vous quitter parce que j'ai langue popou. Je m'en vais manger une soupe à base de litchi mauvais. Ça, c'est des litchi passés date qu'on met en soupe parce qu'on prend rien que du litchi mûr pour la culotte. Ah, ben merci, Gilles. Ah, ben mon Dieu Seigneur. Félicitations encore, mais c'est pas à cause que j'aime pas ta musique, personnellement, que tu dois être nécessairement bon si t'as la disque. C'est ça qu'on pense aussi, Gilles. Ben c'est parce que moi, j'aimerais ça être avec quelqu'un de ton calibre, là, pour que tu viennes voir le jet set puis tout ça. D'ailleurs, tu pourrais faire le costume à Danny. Ouais. C'est des spanderies. T'aimerais pas ça que j'aille ramasser mon prix, là, avec un habit de litchi? Regardez, les gars, je le prends avec un grain de sel, mais je sais pas si les deux vont rentrer dans ce que moi, je fais. Oh, merci. J'ai maigri, tu sauras. Moi aussi. Ouais. On ouais, a maigri ouais. Ensemble. Ça longtemps que tu nous as pas vus. Coudon, vous faites pas mal d'affaires ensemble, mais je vois en train de venir me rejoindre l'autre bord. Non, Non, sans blague, Danny. Je dirais bien, je te donne une nouvelle félicitation encore. J'aimerais vraiment ça être là. Puis, il y a des grosses chances que je sois là. Mais la seule affaire que je te demande, c'est que si tu montes sur la scène, ne me remercie pas, s'il te plaît. OK, parfait. Je vais essayer. Ça va être difficile. OK, les boys, lâchez pas. Votre émission est bonne parce que je suis là. Bye-bye. Merci. Salut, les boys. Bye. Bye.